Les éditions de l'avenir présentent Les arènes d'Aubioche. Une aventure de Mazas Pavel, roman fanique d'André Bory, paru à l'origine dans Basis hors série, numéro 9. K00 dans le rôle de Mazas Pavel, Aldor dans les rôles de Rick Pavel et de Laforan, Kael dans le rôle de Melbar Kazom, Christophe Hubert dans le rôle de Roumla, Michael Cadillac dans le rôle de Lougarne, Alexandre dans le rôle du colonel Ternet, Torek dans le rôle du sergent Lamar et Christian Martin à la narration. Chapitre 3, troisième partie. Le pacha du Pierre-le-Grand et Rick Pavel avaient repris connaissance, mais le mercenaire était encore un peu sonné par l'intensité du flux paralysant qu'il avait encaissé. Il somnolait sur sa couchette, tandis que ses quatre compagnons de captivité se tenaient auprès de l'adjoint d'Atlan pour évoquer leur avenir immédiat et les perspectives qui s'offraient à eux. « Il faut convenir qu'on a déjà vécu des situations plus agréables. Cependant, il y a au moins un point positif. Nous sommes en vie. Ce qui laisse supposer que les pirates ont prévu quelque chose pour nous qui ne sera évidemment pas de notre goût. Mais avec Mazas, nous avons déjà connu des sorts peu enviables, et nous nous en sommes toujours tirés. » On va la cruche à l'eau, marmonna le sergent. Bravo, j'aime les gens optimistes, ironisa le colosse. Leurs propos furent interrompus par le glissement d'une porte coulissante dans la paroi faisant face aux couchettes. Dans l'ouverture ainsi dévoilée, un rideau énergétique à la transparence tremblotante empêchait tout passage dans un sens ou dans l'autre. Néanmoins, le psalien qui dirigeait les pirates était bien visible et ses paroles parfaitement audibles. De sa curieuse voix de fausset, il s'adressa à ses hôtes. « Bonjour mes amis, comment trouvez-vous vos nouveaux quartiers? Un peu moins accueillants et intimes que vos cabines sans doute. Mais les données initiales ont un peu changé, et c'est à votre tour de bénéficier de l'hospitalité de vos geôles. » Un gros rire secoua sa vaste carcasse, tandis qu'il les dévisageait au retour. Il parut un peu déçu de leur manque de réaction et agita la tête. Puis, allongeant le bras, il manœuvra une commande hors de vue des détenus et l'écran d'énergie s'évanouit. Au même moment, deux topinguets dotés de radiants lourds surgirent à ses côtés, leurs armes braquées vers les prisonniers. Lougarne s'effaça et Roumla fit son apparition, violemment poussé dans le dos par un topside au museau balafré. Le déliant faillit perdre l'équilibre et s'avança de trois ou quatre petits pas chancelants à l'intérieur de la pièce. « Je vous ramène votre copain. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous dire. » Quatre regards méprisants se fixèrent sur l'urcidée, tandis que Kazom, l'ignorant délibérément, se mettait à claironner. « Quand est-ce que l'on mange dans votre hôtel? Mon estomac crie famine depuis un bon moment. À moins que vous n'ayez choisi de nous laisser mourir de faim. » « Non, non, rassurez-vous. Je n'ai pas intention de vous faire jeûner. J'ai décidé que vous alliez servir mes intérêts. Car il faut bien que je trouve un dédommagement au déboire que je vous dois sur Delia. » « On peut savoir en quoi cela consiste, ou est-ce un secret ?»« Tiens, la petite garce ramène son caquet. Tu vois, je ne me trompais pas quand je t'ai dit que tu me paierais le guet-apens dans lequel tu m'as fait tomber. » Elle haussa ostensiblement les épaules en le fixant droit dans les yeux. Un sourire mauvais retroussa les lèvres épaisses du pirate qui s'avança dans sa direction, escorté par ses deux gardes du corps et suivi par une demi-douzaine de brutes hilares. Mazas recula d'un pas, les bras ballants et le regard en éveil. Sans un mot, le colonel et le sergent se mirent à ses côtés, tandis que Rick se levait avec peine pour rejoindre sa sœur. Un grondement de fauve s'échappa de la gorge de l'étrusien, alors qu'il balança ses deux bras enchaînés par les menottes. Une belle bande de chevaliers servants, ironisa le psalien, pendant que ses sbires mettaient en joue les compagnons de la jeune femme. Il avança la main pour attraper Mazas par les cheveux, mais elle se déroba d'un souple retrait du torse. « Bats les pattes, mon gros !» Un grognement de rage fusa des lèvres de Lougarne, et il s'élança en avant à une vitesse surprenante pour une telle masse. La Karzassienne s'effaça brusquement devant l'attaque, puis se laissa tomber au sol tout en frappant violemment du talon le genou gauche de son adversaire. Emporté par son élan, celui-ci ne put éviter le coup et trébuchant en poussant un cri d'étonnement mêlé de douleur. Sa chute l'amena à proximité de Kazum qui en profita pour lui asséner ses deux poings liés sur la tempe. Avec la grâce d'un chêne frappé par la foudre, le psalien s'effondra sur le plancher. Pendant une fraction de seconde, le temps parut se figer. Stupéfaits par la rapidité de l'action, les pirates semblèrent statufiés. Mais cela ne dura pas, et l'étrusien fut à deux doigts de la mort car les deux topinguais, dans un réflexe, braquèrent leur radiant sur lui. Non. L'ordre fusa, lancé par une silhouette mince aux longs membres déliés. Les gardes du corps s'immobilisèrent et se retournèrent avant d'abaisser leurs armes avec regret. Lara, qui se tenait à l'entrée de la salle, s'avança, se frayant un chemin parmi le groupe des forbans qui s'écartèrent respectueusement. Lougarn se mit à genoux en secouant sa grosse tête. Puis il se redressa, aidé par deux de ses hommes. Le souffle, encore un peu court, il coassa. Viens, enfant, cela aurait été dommage de le tuer comme ça. Je lui réserve une réception digne de lui sur Obioche. Mais en attendant, si mes hommes veulent lui donner une petite leçon de savoir-vivre, je ne les empêcherai pas. Un murmure de satisfaction sadique s'éleva dans les rangs des pirates qui s'approchèrent du colosse enchaîné, en brandissant qui une matraque, qui un radiant crosse en avant. Comme une meute de loups faméliques, ils se ruèrent sur Kazum en le frappant de toutes parts, sous l'œil horrifié de ses compagnons solidement tenus en respect par les topinguais. Mais s'attaquer à un intrusien, même entravé, n'avait rien d'une sinécure. Quelques-uns des assaillants s'en rendirent compte rapidement en se retrouvant au sol, saignant et dolant. L'adjoint du Lord Amiral perdait son sang par de multiples blessures car, excédé par ses résistances farouches et les coups qu'il parvenait à donner malgré son manque de mobilité, certains n'avaient pas hésité à se servir de leurs poignards. Mazas et Rick guettaient le moment où ils pourraient profiter de la plus petite inattention des deux gardes du corps pour intervenir, mais leur espoir fut vite déçu car ceux-ci, connaissant la valeur des mercenaires karzassiens, ne les quittaient pas des yeux, indifférents à l'alali qui se passait à côté d'eux. Le psalien contempla d'un air satisfait la correction infligée à l'homme de l'eau émue, puis il s'approcha alors que, saoulé de coups, le géant commençait à tituber. Il leva un poing énorme et le lui abattit violemment en plein visage. C'en était trop pour Kazum, qui plia les genoux et s'effondra sur le plancher, le corps courbé par la tension de la chaîne qui le reliait au mur. Voilà une bonne chose de faite! S'esclaffa Lougarn, l'air satisfait. Vous n'êtes que des brutes! Cria Mazas hors d'elle. Toi, petite, tu ne perds rien pour attendre. Un de ces jours, je vais m'occuper de toi dans ma cabine! Menaça-t-il, avec un sourire salace qui déclencha des propos obscènes parmi ses hommes. Sur un signe des lepsaliens, tous se retirèrent. Le chef des pirates s'arrêta sur le seuil et lança, avant de sortir, « Tâchez de le remettre sur pied. Il aura besoin d'être en forme quand nous arriverons sur Obioche. En attendant, je vous fais apporter à manger. » La porte coulissa et se remit en position, isolant les prisonniers dans leurs cellules. Mazas se précipita vers son vieil ami et se pencha sur son corps sanguinolent. Aidée de ses compagnons, elle le souleva et l'assit contre le mur. Elle se retourna vers son frère pour lui demander d'apporter de l'eau, quand elle aperçut Rumla, une cuvette remplie et une serviette à la main. Elle lui lança un regard mauvais, puis accepta ce qu'il lui tendait en le remerciant du bout des lèvres. Quelques instants plus tard, Kazum ouvrait un œil, celui qui n'était pas fermé par les coups, et tentait un pâle sourire. Il ouvrit la bouche, mais la jeune femme l'interpella. « Non, ne dis rien. Contente-toi de récupérer. » Il hocha la tête et referma son œil valide en poussant un grognement de douleur. Dix minutes de soins, consistant surtout à nettoyer les plaies, suffirent à l'extraordinaire constitution de l'Étrusien pour lui permettre de se lever sans aide. Le verbe encore un peu hésitant à cause de ses lèvres tuméfiées, il s'informa. « Quand est-ce qu'on mange ?» déclenchant des rires de soulagement parmi ses compagnons. Comme pour répondre à sa question, le pan de mur dissimulant l'entrée de la salle glissa dans son logement et un chariot contenant de la nourriture et trois carafes d'eau fut poussé dans leur direction. Puis l'ouverture se referma. Rick s'empara de la table roulante et l'approcha de Kazum. Celui-ci se saisit d'une des bouteilles en verre au plast et l'apporta à sa bouche. Les 2 litres de liquide furent ingurgités en quelques instants. « Quelle descente !» marmonna Lamar, admiratif. Ils s'installèrent tous autour du géant et entreprirent de faire un sort aux victuailles qui leur avaient été apportées. Brumla, quant à lui, ne se joignit pas à ses compagnons de misère et s'assit lourdement sur une des couchettes, la tête tristement penchée en avant. L'Étrusien était le seul qui jetait de temps en temps un regard au déliant. Les autres, d'un commun accord, avaient décidé de l'ignorer purement et simplement et lui tournaient le dos tout en faisant honneur au modeste repas qui leur avait été amené. Si la qualité n'était guère au rendez-vous, la quantité suffisait au bonheur de Kazum, dont le corps réclamait une kyrielle d'aliments. Quand le géant fut rassasié, ce qui coïncida avec l'absorption de la dernière miette de la dernière galette de farine de Storal, il poussa un profond soupir d'aise et recommença à s'intéresser à son environnement. Assis le dos au mur, il inspecta pour la énième fois tous les coins et recoins de leur prison, secoua par acquis de conscience la chaîne qui le maintenait attaché à la paroi, puis, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, haussa les épaules en marmonnant avec philosophie « Puisque je ne peux rien faire, autant attendre la suite des événements. » Le colonel Terneuve vida son verre d'eau, s'essuya la bouche d'un revers de manche et se décida à poser la question qui le turlupinait depuis un moment. Lougarne a prononcé 2 fois le nom d'Aubioche. Est-ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit? Tous se regardèrent, l'air interrogatif, et Mazas laissa tomber du bout des lèvres. Je n'en ai pas la moindre idée, et j'ai l'impression que cette ignorance est générale. Des hochements de tête lui répondirent. Un ange passa, tandis que chacun, selon son tempérament, imaginait son Aubioche. Moi. Je le sais. Comme piqué par un serpent, tous se retournèrent pour faire face à Rumla. Oui. Le conseiller du guide suprême se racla la gorge avant de dire Il s'agit d'une planète située tout à fait à la frange de la constellation d'Hercule, dans l'amas globulaire de M92. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Si. J'ai bien compris. C'est un port franc dont le gouverneur général n'est autre que Larry Tilco. Le mystérieux monarque des pirates de l'espace existe donc vraiment? J'ai fini par croire qu'il s'agissait d'une légende. S'étonna le colonel Terney. Et comment as-tu cela? Aboya Rick. Le déliant baissa la tête avant de murmurer. Lougarne en a parlé devant moi avec son adjoint. Laforant, quand j'étais dans le poste de commandement. Tiens, mais c'est vrai. Comment se fait-il que tu te retrouves en tôle avec nous? Tu es là pour nous espionner? Non. Je suis ici parce que j'ai effacé les coordonnées et les codes d'accès de Carcel 3 dans la positronique de bord. Pardon? Un jour que j'étais descendu voir les prisonniers, j'ai entendu Lougarne dire qu'il profiterait des codes d'accès à la planète Bagne pour y atterrir et libérer tous ceux qui y étaient détenus. Car il fallait qu'il reconstitue sa bande de détrousseurs. Et en quoi cela te dérangeait-il ? Contrairement à ce que vous devez penser, je ne suis pas du tout du côté des pirates. Sans blague ! Dans ce cas, tu nous as fait une très belle imitation ! S'exclama l'étrusier. Je suis désolé, mais j'y ai été obligé. Explique-toi, exigea Mazas d'un ton sec. Eh bien, voilà. Quand je suis retourné chez moi après que vous m'ayez sauvé en abattant les deux robots, ma famille n'était plus là. Par contre, deux pirates m'attendaient dans la maison. Ils faisaient partie d'un groupe de retardataires et avaient assisté de loin à l'élimination de leurs complices. Comme ils avaient vu où je logeais, ils ont eu l'idée d'enlever ma femme et mes quatre enfants pour faire pression sur moi. Quand j'ai été de retour, ils m'ont mis le marché en main. Où je me débrouillais pour libérer Lugarn et ses complices, et je retrouvais les miens. Où je refusais et ils me supprimaient ainsi que tous les membres de ma famille. C'est pour cela que je suis venu vous demander de m'accepter à bord du Pierre le Grand. Mais pourquoi ne nous avez-vous rien dit ? S'insurgea la jeune femme. Parce que j'avais peur pour les miens. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? S'écria-t-il avec du désespoir dans la voix. Vous n'aviez aucune garantie de la part des pirates ? Objecta Rick d'un ton beaucoup plus mesuré et quelque peu compatissant. Si. Ils m'ont laissé une fréquence sur laquelle devaient les appeler Lugarn quand ils seraient libres. Ils m'ont donné leur parole qu'ils libéreraient immédiatement ma famille. Et vous les avez crus ? S'étonna le colonel. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Interrogea l'Orcidé plaintivement. Vous êtes déconcertant de naïveté ! S'exclama le sergent Lamar. Le déliant baissa la tête, contemplant ses énormes mains griffues qu'il fermait et ouvrait de manière spasmodique. Mazas, touché par sa détresse, lui posa la main sur l'épaule. Allez, ne perdez pas courage. À présent que je sais pourquoi vous avez agi contre nous, je ne vous en veux plus. N'empêche qu'on est sérieusement dans la merde. L'interrompit son frère. Je le sais. Je ne le sais que trop. Le remords me ronge et je me dégoûte d'avoir ainsi trahi votre confiance. Mais je n'ai pas pu trouver d'autre solution pour sauver ma famille. J'ai passé des journées à trembler à l'idée de ce que je devais faire. Quand je rencontrais l'un d'entre vous, j'avais l'impression qu'il lisait sur mon visage les pensées secrètes qui m'agitaient. Chaque jour, sous un prétexte ou un autre, je descendais voir les pirates. C'est Lugarn qui m'a dicté toute ma conduite. L'idée de paralyser Melbar Kazom en premier vient de lui. Vous lui inspiriez une sérieuse crainte et il avait peur que vous puissiez faire échouer leur tentative d'évasion. En fait, il souhaitait que je vous tue. Mais devant mon refus catégorique, il m'a ordonné de m'occuper de vous dès le début de mon action en utilisant un radio-choc réglé au maximum d'intensité. Je lui ai obéi, puis je suis allé le libérer après avoir paralysé tous ceux qui se trouvaient dans le poste de commandement. Les pirates n'eurent guère de mal à surprendre les gardes qui ne pouvaient se douter de ma trahison. Et ils se sont vite retrouvés entre leurs mains. Avec Carlo Dobar, ils n'ont pourtant pas dû avoir la tâche facile. Un Oxtornien peut être encore plus difficile à éliminer qu'un Utrésien. Et il est capable de résister un certain temps au flux de radion-choc. Au moins, celui de tirer son arme et de faire des dégâts autour de lui avant de tomber. Objecta le colosse. Rumla secoua la tête. C'est pour cela qu'ils n'ont pas utilisé de radion-choc. Ils ne voulaient pas prendre de risques et l'ont attaqué au thermoradiant. Les salauds ! S'insurgea le colonel. Est-ce qu'il est... Non, je ne sais pas. Mais il est très sérieusement touché. Toutefois, sa constitution exceptionnelle lui permettra peut-être de survivre à ses blessures. Mais dans quel état ? S'emporta le cadet des Pavel. Est-ce qu'on le soigne au moins ? Je ne sais pas. Il a été emmené dans la salle de soins. Cependant, j'ignore ce qui était fait pour lui. Les hommes de Lougarn ont enfermé tous les gardes et membres de l'équipage dans les cellules qu'ils occupaient précédemment. Moi seul ai eu droit à un régime de faveur en reconnaissance de ce que j'avais accompli. Néanmoins, cela ne les a pas empêchés de se moquer de moi et de ma sensiblerie. C'est le terme qu'ils employaient à l'égard de ma famille. Après tout cela, je n'ai vu qu'une seule possibilité pour tenter d'atténuer un peu les conséquences de mon acte. Effacer dans le cerveau P les indications qui avaient été introduites en ma présence par Melbar Kazom au départ du Pierre le Grand. Ainsi, les pirates ne pourraient pas accéder à la planète Bagne, dont ils comptaient se faire une place forte. Toujours ça de prix, remarqua l'étrusier, pragmatique. Vous avez rendu un fier service à l'OMU en agissant ainsi, car il aurait été catastrophique que Lougarn puisse entrer en possession de ce monde. Il aurait fallu mettre en œuvre des moyens très importants pour arriver à l'en déloger. Et si vous nous parliez un peu d'eau, Bioche ? Suggéra Mazas. Le déliant se gratta le sommet du crâne. En fait, je ne sais pas grand-chose. J'ai cru comprendre que la planète se trouvait dans un secteur galactique sous l'obédience du système bleu. Et... Tiens, il y a longtemps que ces fichus aconides ne faisaient pas parler d'eux. J'ignore si c'est avec leur accord que ce port franc a été établi. Mais ce qui est certain, c'est que tous les trafics possibles et imaginables s'y développent en toute impunité. Tous les jeux interdits y ont droit de cité. Depuis les combats dans l'arène jusqu'aux chasses à l'homme organisées sur une des îles qui parsèment ce monde. Charmant. Je suppose que c'est l'une de ces multiples réjouissances qui nous est destinée. Rumla opina silencieusement. Rick lui tapa amicalement sur l'épaule. Allez, ne vous faites pas trop de soucis. D'une part, nous sommes vivants, et bien vivants. Et d'autre part, nous ne nous comporterons certainement pas comme des victimes expiatoires, quel que soit le sort qui nous est promis. Croyez-moi, les chasseurs, quels qu'ils soient, n'auront pas la partie belle pour s'emparer de notre peau.